بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات bienvenue aux frères, aux chers frères et sœurs pour cette première assise après le confinement en espérant que tout s'est bien passé pour vous. Et on demande à Allah Azza wa Jal de nous pardonner nos fautes et de nous faciliter dans toute épreuve. Et donc vous connaissez le sujet d'aujourd'hui, Al-Ghadabu fil Islam, la colère en Islam. Al-Ghadabu amrun muhim. La colère est un sujet très important. Wa qad takallamna takallamna fi الدورة الماضية هنا في هذا المركز عن الغضب. On a abordé lors du dernier séminaire ici, on a abordé le sujet de la colère. تكلمنا عن الغضب. On a parlé de la colère. وأرى أن هذا الأمر هذه المسألة لأهميتها لابد من المزيد. Et je vois que ce sujet est vraiment important et qu'il nécessite réellement qu'on cite plus d'informations et qu'on développe plus. فأول ما ينبغي أن يعلم أن الغضب صفة ثابتة لله تعالى. Le premier point qu'il est important de savoir, c'est que la colère est un attribut qui est affirmé pour Allah Ta'ala. Nous affirmons la colère, l'attribut de colère concernant Allah le Très-Haut. فهو من الصفات الفعلية. Et donc la colère fait partie des attributs d'action. C'est-à-dire la colère fait partie des attributs d'action. C'est quoi les attributs d'action? Les attributs d'action. Normalement, vous avez déjà entendu ça, je pense, wallahu a'lam. Tu as déjà abordé ça? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Il y a une main qui s'est levée tout à l'heure, ouais. Ce sont des attributs qui sont les attributs du temps, les actions d'avoir des gens. Non. Les attributs, la sifatul fi'aliyah. Et certains nous disent allati tata'allaqu bi mashi'atillahi ta'ala. Donc les attributs qui sont liés à la volonté d'Allah Ta'ala. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jalla s'énerve quand il veut. Allah il s'énerve quand il le veut. Fa ahlus sunnati wal jama'a yuthbituna lillahi ta'ala ma athbathahu li nafsihi. Et donc les gens de la sunna et du groupe, ils vont affirmer concernant Allah le Très-Haut, tout ce qu'il a affirmé le concernant lui-même. Et c'est ça qui nous est obligatoire. Les gens, ils ne savent pas. C'est obligatoire que tu affirmes concernant Allah ce qu'il a affirmé pour lui-même. Tu ne peux pas le nier. Si Allah lui-même, il affirme la colère le concernant. Fayajibu ala al-mu'min in kunta tu'minu billahi ta'ala. يجب عليك أن تؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا ترد من ذلك شيئا واحدا. Si tu crois en Allah le Très-Haut, il t'est obligatoire de croire en tout ce avec quoi est venu le prophète صلى الله عليه وسلم. Tu crois au message, en la prophétie du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم, tu dois croire à tout ce qu'il est. Tu dois croire en tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça me rappelle une question qui m'a été posée, je l'avais déjà citée dans la mosquée à Villeru. Une personne qui me dit, est-ce que je peux ne pas rentrer dans toutes ces divergences, tous ces problèmes, est-ce que Allah il a des mains, est-ce que Allah il parle, etc. Est-ce que je peux ne pas rentrer là-dedans et juste je crois en Allah et yani les piliers de la foi et c'est tout. Non, c'est pas possible. Tu crois en Allah. Allah Azza wa Jalla a affirmé qu'il a des attributs. Tu dois croire en tout ce avec quoi est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il était obligatoire de croire en cela. Dès que tu le sais, tu dois l'affirmer. وَمَنْ رَدَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا قَدْ يَكُونُ ذَلِكَ سَبَبًا لِخُرُوجِهِ مِنَ الْإِسْلَامِ. Et celui qui rejette quoi que ce soit de cela, ceci peut être une cause le faisant sortir de l'islam. le faisant sortir de l'islam. Allah Ta'ala qui dit dans son livre, ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. Tout cela parce qu'ils ont détesté ce que Allah a fait descendre. Ils ont détesté ce que Allah a fait descendre. Alors, il a rendu leurs actes vains. Il a rendu leurs actes vains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont détesté ce que Allah a fait descendre. Tu ne peux pas rejeter ou détester quoi que ce soit qu'il y a dans le Coran ou la Sunna. Si tu crois réellement que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. وقد ذكر الله تعالى الغضب في كتابه. Allah le Très-Haut, il a cité la colère dans son livre. Il dit تعالى ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. Celui dont ma colère s'abat sur lui va certes dans la perdition. Celui dont ma colère s'abat sur lui. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب في كتاب عنده فوق العرش كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي. Et dans Sahihain, selon Abi Huraira رضي الله عنه, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, lorsque Allah, après que Allah ait créé la création, il a inscrit dans un livre qui était auprès de lui, au-dessus du trône, « Certes, ma miséricorde a le dessus sur ma colère. » Ma miséricorde a le dessus sur ma colère. Et donc, Allah Ta'ala « Ezbata lahu al-ghadab » Et donc, Allah le Très-Haut, il a affirmé la colère le concernant, le fait qu'il s'énerve Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, « Yajibu ala al-mu'min an yuthbita dhalik » Et donc, il est obligatoire aux croyants d'affirmer cela. « Amma ahlul bid'a min al-jahmiya wal-mu'tazila wal-asha'ira fanakaw hadhihi sifa » En ce qui concerne les gens de l'innovation, parmi eux, il y a le Jahmiya, le Mu'tazila et aussi les Asha'ira. Ils ont rejeté cet attribut. Ils disent, on ne peut pas dire que Allah est décrit avec la colère. Pourquoi ? Ma hiya a'dharuhum. Quelles sont donc leurs excuses pour cela ? Qalu al-ghadabu huwa ghalayan dam al-qalb. Wallahu munazzahun 'an dhalik. Ils ont dit la colère, c'est quoi la colère ? C'est le sang du cœur qui va bouillir, chauffer, etc., s'agiter. Et on ne peut pas dire cela concernant Allah. On ne peut pas dire que Allah Azza wa Jalla est touché par la colère si c'est ça la colère. إذن لابد من إنكار هذه الصفة حتى لا نشبه المخلوق بالخالق أو الخالق بالمخلوق. Et donc ils nous disent, il est obligatoire de rejeter cet attribut, la colère, afin de ne pas faire ressembler le Créateur à la créature qui est faible. Et cette parole, elle est caduque. لِأَنَّهُمْ لَمَّا وَصَفُوا لَنَا أَوْ عَرَّفُوا لَنَا الْغَضَبُ ذَكَرُوا لَنَا تَعْرِيفًا يَخْتَصُ بِالْمَخْلُوقِ. Pourquoi cette parole elle est caduque ? Parce que eux, lorsqu'ils nous ont décrit la colère, ils nous ont cité une parole qui est spécifique à la créature. La parole qui est spécifique à la créature. Le fait que nous, quand on s'énerve, on a le sang qui s'agite, etc. Ça, c'est une caractéristique qui est spécifique à la créature. Fait istamalu hadha at-ta'rif li raddi sifati al-khaliq. Et donc, ils ont utilisé cette définition pour rejeter l'attribut du Créateur. Et donc, tu ne peux pas faire cela. فَنَحْنُ أَهْلُ السُنَّةِ نُثْبِتُ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ لَا كَغَضَبِ الْمَخْلُوقِ. Et donc, nous affirmons que Allah, il s'énerve, que Allah est décrit par la colère, mais pas comme la colère de la créature. Pas comme la colère de la créature. Ça, c'est important. Allah Ta'ala qui nous dit « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir » Rien ne lui est semblable. Et il est celui qui entend tout et qui voit tout. وَإِذًا قَالُوا الْغَضَبُ هُوَ الْإِنْتِقَامُ. Et donc aussi, ils ont dit, donc les gens de l'innovation, ils ont dit, la colère, c'est, en fait, c'est la vengeance. Ou alors, إِرَادَةُ الْإِنْتِقَامُ. Ou alors, ils ont dit, c'est le fait de vouloir se venger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que الْغَضَبُ فِي الْقُرْآنِ إِذَا رَأَيْتَ الْغَضَبُ فِي الْقُرْآنِ فَلَيْسَ الْغَضَبُ بِمَعْنَى الْغَضَبُ الْغَضَبُ هُوَ الْإِنْتِقَامُ. Et donc en fait, ils nous disent que lorsque tu vois marqué la colère dans le Coran, ce n'est pas la colère que cela signifie. Cela signifie la vengeance. Cela signifie la vengeance. Barakallahu fik. Cela signifie la vengeance. Et donc, c'est ce qui s'appelle at-ta'wil. C'est ce qui s'appelle at-ta'wil. Ils vont interpréter et faire et rejeter le vrai sens du terme. On va le dire, Taïb, il y a un problème ici. Allah Ta'ala qui dit فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Lorsqu'ils nous ont courroucés, nous nous sommes vengés d'eux. فَأَغْرَقْنَاهُمْ. Alors nous les avons noyés. Ça c'est le verset. لَنْ قُلْنَا إِنَّ الْغَضَبْ بِمَعْنَا الْإِنْتِقَامِ فَمَمَعْنَا الْآيَةِ. Si on dit que la colère signifie la vengeance, alors que signifie le verset? À ce moment-là, le verset signifie « Lorsque nous nous sommes vengés d'eux, nous nous sommes vengés d'eux. Et nous les avons noyés. » Il n'y a pas de sens. À ce moment-là, c'est de la répétition. Et donc la colère, c'est la colère. Ahlu sunnati wal jama'a, ils ne font pas de ta'wil. Ils ne font pas donc les fausses interprétations. Et donc si aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir et vous dit « Non, tu ne peux pas dire que Allah est caractérisé par la colère. Pourquoi ?» Parce qu'en fait, la colère dans le Coran, ça ne veut pas dire la colère. Ça veut dire la vengeance. Qu'est-ce que tu réponds? Qu'est-ce que tu réponds? Al-Aya. C'est quoi le verset? Tu as retenu ou pas? فَلَمَّا أَسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. Et donc, lorsqu'ils nous ont courroucés, on s'est vengé d'eux. Et donc, si tu me dis que la colère signifie la vengeance, alors ici, ce verset n'a plus de sens. Ce verset n'a plus de sens. Et donc, il est important de ne pas tomber dans ce genre de piège, les fausses interprétations. إذن نثبت لله تعالى الغضب. Et donc on va affirmer concernant Allah tabaraka wa ta'ala l'attribut de colère. Comme il l'a affirmé dans son livre et aussi dans la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. ومن الأمور المهمة المتعلقة بالغضب والتي ينبغي معرفتها أننا حينما نتعلم هذه الأمور أننا نتعلمها للعمل بمقتضاها. Parmi les sujets importants, lorsqu'on apprend les noms et attributs, lorsqu'on affirme ce genre d'attributs comme la colère d'Allah Ta'ala, le fait qu'on apprend tout cela, c'est pas pour apprendre comment répliquer Ahl Bid'ah. On t'apprend pas ça pour que tu sortes de la rue et que tu ailles débattre avec les gens. C'est une protection si les ambiguïtés viennent à toi. Mais si ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est pour que tu œuvres avec ce que les attributs d'Allah Ta'ala signifient et vont entraîner. Le fait que tu œuvres avec cela. Anta ta'lamu anna Allah Ta'ala yaghdabu. فَجْتَنِبْ أَسْبَابَ غَضَبِهِ. Si tu sais que Allah Azza wa Jal, il se courrousse, alors éloigne-toi des causes qui vont entraîner la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mashallah, très très chaud. وَحْرِسْ أَنْ تَكُنْ مِمَّنْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُمْ. Et efforce-toi de faire partie de ceux que Allah il agrée et non de ceux que Allah il courrousse. فَمِنْ أَسْبَابِ غَضَبِ اللَّهِ تَعَالَى. mukhalafatu amrihi wa nahyi. Et parmi les causes qui entraînent la colère d'Allah le Très-Haut, il y a le fait de s'opposer et de contredire ses ordres et ses interdictions. Tabaraka wa ta'ala. Allah Ta'ala qui nous dit « Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa la tatghaw fihi fayahillu alaykum ghadabi wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. » Allah Ta'ala donc qui nous dit dans le sens rapproché du verset « Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées et ne transgressez pas en cela. Sinon, ma colère s'abattra sur vous. Et celui dont ma colère s'abat sur lui va certes dans la perdition. Va certes dans la perdition. فَيَجْتَنِبُ الْمُؤْمِنُ مَا يُرْضِبُ اللَّهَ تَعَالَى. Et donc le croyant, il s'éloigne de tout ce qui entraîne la colère d'Allah le Très-Haut. انظر في فعلك وقولك قَبْلَ أَنْ تَقُومَ بِهِ هَلْ هُوَ مِمَّا يُرْضِ اللَّهَ تَعَالَى أَوْ مِمَّا يُرْضِبُهُ. Regarde et réfléchis concernant tes paroles et tes actes avant de les faire. Si ce sont des paroles et des actes qui vont entraîner l'agrément d'Allah le Très-Haut ou sa colère. وَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَى وَالْأَخَوَاتِ أن المصائب التي تنزل بنا من أمراض وغيرها إنما هي مما فعلناه نحن. Et sachez, ô mes frères et sœurs, que toute mauvaise chose qui nous touche, parmi les maladies ou autres, elles sont dues à ce que nous avons fait nous-mêmes. À ce que nous avons fait nous-mêmes. فلا بد أن نفهم أن العقوبة من آثار غضب الله تعالى علينا بسبب ذنوبنا. Et donc il est impératif que l'on comprenne que le châtiment d'Allah sur nous est dû aux conséquences de la colère d'Allah sur nous à cause de nos péchés. À cause de nos péchés. Rappelez-vous le verset que j'ai cité tout à l'heure. فَلَمَّا أَعْسَفُونَا إِنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Lorsqu'ils nous ont courroucés, nous nous sommes vengés d'eux. Et alors nous les avons tous noyés. فَاللَّهُ تَعَالَى عَذَّبَهُمْ لَمَّا أَغْضَبُوا. Et donc Allah les a châtiés après que eux, يَرْحَمُكَ اللَّهُ, Allah les a châtiés après qu'ils l'aient courroucé. Après qu'ils l'aient courroucé. إذن لابد أن نتوب إلى الله. Et donc il est impératif que on se repente à Allah Ta'ala. وقد ترون وقد رأيتم هذا الوباء الذي نزل بنا. Et vous avez vu donc cette épidémie qui est descendue, qui s'est abattue sur la terre. فهل سنرجع؟ Allons-nous revenir, allons-nous appeler nos frères et nos sœurs à revenir, à délaisser les péchés? Aw nastamir hakada gharikina fi dhunub. Ou allons-nous rester comme cela, noyés dans les péchés? Wa nantadhiru al-halak. Et on attend la perdition. Il faut absolument que on réagisse et qu'on tire des leçons de ce qui nous arrive. Il est impératif qu'on se repente à Allah Ta'ala. Lorsque ce virus s'est propagé, nos savants en Arabie Saoudite, les grands savants, et nos méchéirs partout sur terre n'ont cessé de nous dire « Nous devons nous repentir, nous devons nous repentir !» Ils ne faisaient que répéter cela. Car ce qui nous touche est dû à nos péchés. Ce qui nous touche est dû à nos péchés. وَكَذَلِكَ مِنْ أَسْبَابِ الْغَضَبِ. تَرْكُ الْعَمَلِ بِالْعِلْمِ. Et parmi les causes de la colère, qui entraîne la colère d'Allah, le fait de délaisser les œuvres le fait de délaisser le fait d'œuvrer avec la science. Le fait que tu n'œuvres pas avec ta science. Ceci est une des causes qui entraîne la colère d'Allah Ta'ala. La preuve ? Quelle est la preuve ? Ah, celle-là, je ne vais pas la dire, je ne peux pas. Là, je suis obligé de vous laisser la dire. Oui. Mais je veux pas que tu me sortes je veux un verset. Il y a un verset que je ne sais même pas la peine d'aller chercher trop loin. Va pas chercher loin. Plus tu vas chercher loin, plus. Il est où le radab ici? Elle est où la colère? Oui, elle est, mais je veux la colère. Oui. Le dernier? Elle est où la colère? C'est bien une conséquence de cette colère, non? Une conséquence de cette colère, c'est très bien. Oui, pas mal. Je veux plus clair. Oui. Les frères, je vous dis, c'est pas la peine d'aller chercher loin. N'allez pas chercher loin. Non. Voilà. Barakallahu fik. El Fatiha. Ghayril maghdoubi alayhim wa lad-dallin. Et donc, pas la voix de ceux qui ont encouru ta colère. C'est quoi la voix de ceux qui ont couru la colère d'Allah Azza wa Jal? La voix de ceux qui n'ont pas œuvré avec leur science. Ils ont su, mais n'ont pas œuvré avec leur science. Ils ont donc encouru la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala. Aujourd'hui, tu sais, anta ta'rif annahu yajibu alika an tusalliya as-salawat al-khams fi awqatiha faf'al. Tu sais qu'il t'est obligatoire de prier, d'accomplir les prières à leur temps, alors fais-le. Et ne délaisse pas cet ordre pour de l'argent ou un travail ou autre. Respecte cette recommandation si tu ne veux pas que la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala s'abatte sur toi. Tu sais qu'il t'est interdit de mentir ou autre. Respecte cela si tu ne veux pas que la colère d'Allah tabaraka wa ta'ala s'abatte sur toi. Car aujourd'hui tu sais. Et celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. Celui qui sait n'est pas comme celui qui ne sait pas. فَذَكَرْنَا أَوَّلًا غَضَبَ الْخَالِقِ. Et donc on a tout d'abord cité la colère du Créateur. لَكِنَّهُ يَحْسُنُ هُنَا أَن نَذْكُرَ أَيْضًا غَضَبَ الْمَخْلُوقِ. Cependant il est correct qu'on cite aussi ici la colère de la créature, l'être humain. وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْمَرْكَزِ أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم أوصني يا رسول الله. Et certes, on a cité ici dans ce merkez. On a cité qu'un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم et lui a dit: ô messager d'Allah, fais-moi une recommandation. Conseille-moi. Le prophète صلى الله عليه وسلم lui a dit: لا تغضب. Ne te courrouce pas, ne t'énerve pas. فكرر. Alors l'homme, il a répété sa question. Le prophète a répété la réponse. La tardab. Fakarrara miraran. Il a répété plusieurs fois. Et à chaque fois, le prophète qui répétait. La tardab. Ne t'énerve pas. Idan al-radab manhiyun anhu. Liannahu kod yuaddi ila adharin kithira. Et donc, la colère, nous concernant, est interdite. Car elle peut entraîner beaucoup de mauvaises choses. الرجل قد يتلفظ بكلمة الكفر بسبب غضبه. L'homme, il peut prononcer une parole de mécréance à cause de sa colère. الرجل قد يطلق زوجته الطلاق البائن بسبب غضبه. L'homme, il peut divorcer de sa femme. Du divorce définitif à cause de sa colère. Wa fi hadha al-bala hadha al-ibtila allati ubtulina bih qad ra'ayna fi hadha ma ra'ayna Et concernant donc cette épreuve qui nous a touchés, le corona, on a vu sur ce sujet ce qu'on a pu voir. Combien de nos frères ont divorcé leurs épouses? Et ensuite ils posent la question. Ya akhi, j'ai divorcé, comment on fait? Ben akhi, si tu as divorcé, tu veux revenir avec elle, tu reviens avec elle. Oui, mais c'était le troisième. Est-ce qu'il y a moyen de... etc, etc, etc. Combien de frères me contactaient par rapport à cela? C'est dommage que tu ne contrôles pas ta colère, que tu ne respectes pas ces recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'ensuite tu te retrouves à regretter et à demander comment je fais? Ma femme, mes enfants, ouais mais j'ai une fille. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Il faut qu'on arrive à se contrôler. Ce n'est pas un frère ou deux qui m'ont contacté sur ce sujet. Il faut qu'on arrive à retenir notre colère. L'homme peut tuer son frère, le croyant, à cause de la colère. Et ensuite, la colère d'Allah, elle peut s'abattre sur lui à cause de cela. Allah Ta'ala qui nous dit: وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَ الْمُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا. Celui qui tue un croyant de façon intentionnelle, celui qui tue un croyant donc de façon intentionnelle, alors sa rétribution est l'enfer éternellement. Et le courroux d'Allah, le fait que Allah soit en colère contre lui et le maudisse, et Allah Ta'ala lui a préparé un châtiment douloureux. Quiconque fait cela. Et tout cela à cause de la colère. J'étais en colère, comme si c'est une excuse. Lakin, hal kullu ghadabin fa huwa madhmoum. Cependant, est-ce que toute colère est blâmable? Est-ce qu'à chaque fois qu'un homme se met en colère, c'est blâmable? On a merdi, par exemple, pendant le cours, je dis quelque chose de mal, et merdi s'énerve. Est-ce que c'est blâmable? Est-ce que toute colère est blâmable? Il y a une manière de parler. On a parlé de la colère. Est-ce que la colère... La manière de parler, c'est autre chose. Hein? Les raisons. Donc ça veut dire qu'il y a des colères qui sont louables. On est d'accord. Et donc il y a des colères qui sont louables. Certaines personnes, lorsqu'ils entendent ce genre de texte, le prophète qui dit « l'attardome, ne t'énerve pas », alors les gens, ils pensent que toute colère est forcément blâmable. Et ça, c'est faux. C'est une mauvaise compréhension des textes. C'est une mauvaise compréhension des textes. À tel point que certains savants, ils nous disent, lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, la tardob, il dit, ce n'est pas ne t'énerve pas qui est voulu par là. Ce qui est voulu par là, c'est maîtrise ta colère. Ce qui est voulu par là, c'est maîtrise ta colère. Akhraj al-Bukhari wa Muslim. من حديث أبي مسعود قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر في صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil selon Abi Mas'ud qui dit: un homme est venu voir le prophète صلى الله عليه وسلم en disant: ô messager d'Allah, je viens en retard à la prière du Sobh, la prière du Fajr, à cause d'un tel qui prie trop longtemps. Ensuite, le rapporteur, il nous dit: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّ غَضِبَ يَوْمَئِذٍ. Il dit: je n'ai pas vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'énerver lors d'une recommandation de la même façon qu'il s'est énervé ce jour-là. Tellement le prophète, il était énervé. Thumma khatab. Ensuite, le prophète, il a fait un discours. Et il a dit: Ayyuhannas, Inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous des gens qui éloignent les autres. Et donc déjà, on voit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé. Mais avant d'aborder ce sujet, c'est le sujet du cours, la colère. Mais avant d'aborder la colère, je voudrais juste faire une petite parenthèse sur cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna minkum munaffirin. Il y a parmi vous certains qui éloignent les autres. Il faut que chacun d'entre nous, et moi le premier, on médite sur notre comportement envers nos frères qui sont avec nous. Est-ce que notre comportement va être une cause qui va les éloigner ou qui va les rapprocher de la vérité? Il se peut que parfois, une personne, elle vienne ici assister à un cours, elle a entendu un cours, elle rentre au bouffé l'islam, la colère en islam, elle vient. Et qu'à cause de notre mauvais comportement, cette personne se dise « Plus jamais je reviens ici. Plus jamais je ne reviendrai ici. » Et que cette personne se retrouve avec les sectes égarées, Tabliri, ou Irhabi, ou Ikhwani, ou autres. À cause de notre mauvais comportement. Il est impératif que chacun fasse attention à ce point capital. Que tu ne sois pas la cause des égarements des autres par ton comportement et par tes agissements. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب يومئذ. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il s'est énervé ce jour-là. Et ensuite il a dit فأيكم أما الناس فليوجز. Et donc quiconque parmi vous dirige la prière des gens alors qu'il fasse court. Ne prie pas longtemps avec les gens. Fa inna minkum as-sagheer wal kabeer wa dha haja. Car il y a parmi vous le petit, le grand et celui qui a un besoin. Et celui qui a un besoin. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لما راى انتهاك حرمات الله تعالى. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé lorsqu'il a vu que les interdictions d'Allah furent violées. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé lorsqu'il a vu que les interdictions d'Allah ta'ala furent violées. Voilà pourquoi certains savants ils se basent sur ce hadith pour dire qu'il est interdit à l'imam de faire trop long. Après, le débat, c'est qu'est-ce qu'on appelle faire trop long. Ça, on l'a abordé dans les sujets de fiqh. Pour ceux qui veulent plus de détails, c'était même, je crois, les cours de cette semaine. Wallahu a'lam. Donc, il est interdit à l'imam de faire trop long. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, le prophète s'est énervé. Et le prophète s'énerve lorsque, justement, les interdits d'Allah sont transgressés. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب مما يغضب الله تعالى. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم il s'énervait à cause de toutes choses qui énervent et qui courroucent Allah تعالى. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم أن يجعل غضبه موافقا لغضب الله. Et c'est comme cela que le musulman doit être. Il doit faire en sorte que sa colère soit en accord avec la colère d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois faire en sorte d'être en colère pour les sujets qui mettent Allah Ta'ala en colère. Pas pour ton nefs. C'est pas pour toi. Je me mets en colère pour moi. Non. Fais en sorte que ta colère soit en accord avec la colère de celui qui t'a créé. Tu es courroucé à cause des choses qui courroucent ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Khilafan limanar al-yawm. Tajidu ar-rajul yasubbu wa yashtum wa yakdhif وينبذ بالألقاب فتجد أتباعه يثنون عليه ويبحثون له عن أعذار وإن بينت انحرافه غضبوا حينئذ. Contrairement à ce qu'on peut voir aujourd'hui, tu vas voir un individu qui va s'énerver, qui va insulter, qui va calomnier et qui va donc malheureusement utiliser des sobriquets. Et tu vas voir ses suiveurs qui ne vont pas s'énerver pour cela, mais qui vont le défendre. Par contre, si toi derrière tu viens pour expliquer l'égarement de cet individu par rapport à ses agissements, là ils vont s'énerver. فَالْغَضَبُ لَمْ يَكُنْ لِمَا يُرْضِبُ اللَّهِ. Et donc la colère, elle n'a pas été à cause de ceux qui courroucent Allah Ta'ala. وَلَكِنَ الْغَضَبُ كَانَ لِلشَّيْخِ. Cependant, la colère, elle était pour le cheikh. La colère, elle était pour le cheikh. Il faut que tu regardes, est-ce que ta colère, elle est pour défendre ton cheikh, ton enseignant, ou alors, c'est pour défendre ceux qui courroucent Allah. Alors regarde, est-ce que ton enseignant aujourd'hui, il a fait quelque chose qui courroucent Allah Ta'ala? Si aujourd'hui, Abdul Karim, il va calomnier un musulman ou une musulmane, ne viens pas défendre Abdul Karim, ensuite t'énerver contre une personne qui va donc critiquer Abdul Karim. Car ta colère doit être pour Allah tabaraka wa ta'ala, pas pour ton cheikh ou ton enseignant ou ton frère, ou c'est pour Allah tabaraka wa ta'ala. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا لا يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري ومسلم ont cité dans leur recueil As-Sahihayn selon Aïcha radiallahu anha, qui dit que Quraysh furent touchés par la situation de la femme qui avait volé, Al-Marzoumiya, celle qui avait volé, et donc que la sentence qui devait s'abattre sur elle, la sentence qui devait s'appliquer sur elle, était le fait qu'elle se fasse couper la main. Alors ils dirent, qui peut en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour intercéder? Qui autre que Usama ibn Zayd osera en parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est lui le bien-aimé du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fakallamahu Usama. Alors Usama, il est allé parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: "Atashfa'u fi haddin min hududillah?" Est-ce que tu intercèdes concernant une sentence parmi les sentences d'Allah? Est-ce que tu intercèdes concernant une sentence parmi celles d'Allah Ta'ala? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ayyuhan nas, innama ahlaka alladhina qablakum, annahum kanu idha saraka fihim al-sharif taraku, wa idha saraka fihim al-da'if aqamu alayhi al-had, wa imullah, law anna Fatimata binta Muhammadin sarakat liqata'tu yadaha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô gens, certes, ce qui a fait les peuples d'avant vous tomber dans la perdition, c'est que lorsque le noble parmi eux volait, il n'appliquait pas sur lui la sentence. Celui qui est noble, il est connu, on n'applique pas sur lui la sentence. Mais lorsque le faible parmi eux volait, alors ils appliquaient sur lui la sentence. Ensuite, il dit sallallahu alayhi wa sallam: si Fatima, la fille de Muhammad, avait volé, j'aurais appliqué sur elle la sentence. j'aurais appliqué sur elle la sentence. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن بنته لو قامت بموجب للحد لأقام عليها الحد. Ça, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous informe que sa propre fille, si elle accomplissait un acte qui nécessitait une sentence, il aurait appliqué la sentence sur sa propre fille. Parce que c'est ça la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Fa'ayna tullabul ilm, où sont donc les étudiants? Al-amiluna bi'ilmihim, ceux qui œuvrent avec leur science. Où sont donc ceux qui aiment la sunna et qui vont faire précéder la sunna et l'application de la législation à toute chose? وهذا الحديث الذي ذكرته لكم ذكره النووي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور رياض الصالحين. Et ce hadith que je viens de vous citer, qui est dans Sahihain, النووي رحمه الله, il l'a cité aussi dans son livre très connu رياض الصالحين. باب الغضب إذا انتهكت حرمات الشرع والانتصار لدين الله تعالى. Ce même hadith, il l'a cité dans le chapitre lié à la colère lorsque les interdictions de la législation sont violées et le fait de secourir la religion d'Allah le Très-Haut. فاستشهد بهذا الحديث على الغضب المحمود وعلى الانتصار لدين الله. Et donc An-Nawawi, il a utilisé ce hadith, il a tiré de ce hadith la colère louable et le fait de secourir la religion d'Allah Ta'ala, la religion d'Allah le Très-Haut. Et donc, fais attention mon frère, on vous dit, ne sois pas en colère. Maîtrise ta colère. Et fais en sorte que ta colère soit en accord avec la législation d'Allah Ta'ala. Ne t'énerve pas pour ta famille, ou pour toi-même, ou pour ton groupe, ou ton clan. Énerve-toi pour la législation d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Voilà une cause de colère louable. وكذلك أنتم ترون في هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ولا يتجاوز الحد. Et aussi vous voyez dans ces hadiths que le prophète صلى الله عليه وسلم il s'énervait mais il ne dépassait pas la limite. لأن بعض الناس لو قلنا لهم أن الغضب للشرع محمود قد يغضب ويتجاوز فيقول انا غضبت لله. Certaines personnes, si on leur dit donc que la colère pour la législation est louable, ils peuvent s'énerver et dépasser les limites et ensuite dire je me suis énervé pour une cause louable, on va te dire non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dépassait pas les limites. فلا تترك غضبك يَجْعَلُكَ تَتَجَاوَزَ الْحَدِّ. Et donc, ne laisse pas ta colère te faire dépasser les limites. Même si cette colère, elle est pour une cause légiférée. Et voilà ce que tu as cité tout à l'heure. Le fait d'être en colère pour une cause légiférée, cela ne doit pas entraîner le fait que tu dépasses les limites. Et donc, une petite parenthèse donc par rapport à cela, juste par rapport à toutes les fitnas qu'on a connues donc c'est il y a quelque temps, dont la fitna des Moussa Afira. Et donc on a le cheikh qui s'énerve, donc il va être touché par la colère. Cette colère qui va entraîner qu'il prononce certains mots, dont les insultes, el kadhf et autres. Cette colère va entraîner cela. Or, on a vu que les actes interdits font partie des actes qui entraînent la colère d'Allah. On reste encore dans la colère. Et ensuite, on va avoir les élèves qui vont défendre et qui vont chercher des excuses pour le shirk. Et certes, on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est énervé lorsqu'il voit qu'on cherche à intercéder concernant les sentences liées à la, aux sentences d'Allah Ta'ala. Et ensuite, les élèves vont s'énerver contre toute personne qui montre les erreurs du shirk. Il est important que tu comprennes comment, quelle est la relation que tu dois avoir avec la colère. Il est important de comprendre cela. Tout ça parce que les gens n'ont pas compris quelle est la colère louable. Quelle est la colère louable ? C'est un sujet important, particulièrement à notre époque, où on s'énerve pour un rien. ثم هناك أمر أحببت أن أذكره ولعلنا نختم به Il y a un autre point que je voudrais citer, ça fait un peu long, mais frère, Inch'Allah, c'est peut-être le dernier qu'on va citer, Inch'Allah, ça sera le dernier, Inch'Allah. On a cité au tout début, donc, la colère concernant Allah, le Créateur. Ensuite, on a cité la colère concernant la créature. Et on revient au sujet de la colère concernant le Créateur. Normalement, j'aurais dû tout faire d'un coup. Mais j'ai fait exprès pour vous faciliter dans la réponse. Parce que là, c'est vous qui allez répondre, c'est pas moi. J'espère. Et donc, est-ce que parmi les noms d'Allah Ta'ala, Al-Ghadib, هل من اسم الله تعالى الغاضب Réponse et explication. Oui ou non, pourquoi ? الأسماء لا تؤخذ من الصفات. Encore. Alors, non. La colère ne fait pas partie des attributs d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Excusez-moi, la colère ne fait pas partie des noms. Al-Ghadib ne fait pas partie des noms d'Allah Ta'ala. Al-Ghadib ne fait pas partie des noms d'Allah. Pourquoi ? T'es pas sûr ? Normalement, avec le cours qu'on a fait aujourd'hui, t'as la réponse. Dans le hadith. Dans le hadith, il y a... Non. Oui. Et donc, Allah, il ne s'est pas appelé le Ghadib dans le Coran ou dans la Sunna. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, quoi d'autre ? Donc, El Esma Tawqifiya. Oui ? On affirme ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même. On affirme ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même. Donc, s'il n'y a pas de preuve, très bien, on y est. Et je veux plus encore. Je veux plus encore. Alors, on a cité que Al-Ghadabu Kod Yakunu Memduhan wa Kod Yakunu Medmouman. On a cité que la colère, il se peut qu'elle soit louable ou blâmable. Esma'ullahi Ta'ala Kamilatun Min Kulli Wajh. Les noms d'Allah Ta'ala sont parfaits dans tous les sens du terme. La colère, c'est un attribut de perfection. La colère, c'est un attribut de perfection. Mais, il se peut que la colère soit louable ou blâmable, comme on l'a vu. Concernant Allah Ta'ala, elle n'est que louable. D'accord ? On est clair. Concernant Allah Ta'ala, la colère n'est que louable. Mais la colère, elle peut être louable ou blâmable. À cause de ça, Allah Ta'ala ne s'appelle pas Al-Ghadib. Parce que les noms d'Allah sont parfaits dans tous les sens du terme. D'accord ? El Mutakallim. Allah, est-ce qu'il parle ? Non. Vous doutez ou... J'ai senti une hésitation. Et donc, Allah, il parle. Taïm. Est-ce qu'on va appeler Allah El Mutakallim ? Est-ce que parmi ces noms, il y a El Mutakallim ? Non. Pourquoi ? Parce que le Kalem, la parole... Il se peut qu'elle soit louable ou il se peut qu'elle soit blâmable. La parole d'Allah, elle n'est que louable. Mais la parole, il se peut qu'elle soit louable ou blâmable. Et donc, on ne dit pas que parmi les noms d'Allah, il y a le mutakallim. Pourquoi ? Parce que les noms d'Allah sont parfaits dans tous les sens du terme. Est-ce que cette règle, elle est comprise ? Alors, Mabarak. Donc, on va arrêter là pour aujourd'hui, Inch'Allah. On demande à Allah Azza wa Jal qui nous accorde la réussite. Il est certes capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan.